Arthur Rimbaud, Les Corbeaux, Seigneur. Quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus, sur la nature défleurie, faites s'abattre des grands cieux, les chers corbeaux délicieux. Sévère, les vents froids attaquent vos nuits, vous, le long des fleuves jaunis, sur les routes, aux vieux calvaires, sur les fossés et sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous. Champs de France, où dorment des morts d'avant-hier, tournoyer, n'est-ce pas, l'hiver, pour que chaque passant repense. Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir. Du ciel, en haut du chêne, m'a perdu dans le soir charmé. Laissez les fauvettes de mai pour ceux qu'au fond du bois enchaîne, dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir la défaite sans avenir.